Chapman, un des espions les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, ce citoyen anglais que rien ne destinait à l'espionnage s'est engagé sans scrupule dans l'Abwehr, les services secrets de l'Allemagne nazie, qui lui donneront le nom de code de Fritz. Je vous demande pourtant et devant témoin de dire à vos services d'espionnage que j'ai à leur parler, et c'est aussi dans votre intérêt. Un Anglais comme moi peut leur être particulièrement utile en temps de guerre. Mais Fritz sera bientôt retourné par le MI5, le contre-espionnage britannique, et deviendra un agent double au service désormais de Sa Majesté. Les Anglais, eux, le surnomment agent Zigzag. Un nom de code qui en dit long à la fois sur l'homme, souvent imprévisible, et sur la méfiance qu'il ne cessera d'inspirer à ses supérieurs du MI5. Edith Chapman, il faut le dire, est un personnage hors norme. Cambrioleur, escroc, abroguin, grand séducteur de femmes, amateur de belles fringues et de voitures de luxe, il brille plus par son appétit de richesse que par ses qualités morales. Et pourtant, on le verra, l'agent Zigzag fut aussi un héros, un vrai, mais à sa manière, c'est-à-dire très peu orthodoxe. Le cinéma ne s'y trompera pas, puisque la carrière rocambolesque de ce voyou fera l'objet en 1966 d'un film, Triple Cross, de Terence Young, le réalisateur des premiers James Bond. Un film qui s'inspire très librement de la vie de Chapman, pour les besoins du scénario bien sûr, mais surtout parce que la véritable histoire de cet agent double pendant la Seconde Guerre mondiale sera longtemps tenue secrète, cadenassée dans les sous-sols du MI5. Edith Chapman, lui-même, après la guerre, tentera à plusieurs reprises de partager ses mémoires dans des livres et des interviews parce qu'il aime le succès et qu'il espère en tirer un juteux profit. Mais la loi anglaise relative au secret d'État viendra à chaque fois le rappeler à l'ordre. Il y a des choses dont on ne parle pas. Même à la mort d'Edith Chapman en 1997, les notices nécrologiques restent vagues concernant sa carrière d'espion. Il faudra attendre 2001, donc plus de 50 ans après la fin de la guerre, pour que son dossier bien fourni soit enfin déclassifié et que le récit vrai soit enfin possible. Et quel récit ? Contrairement à ses contemporains en espionnage, les fameux Philby, Burgess et Blunt, ces Anglais de bonne famille qui secrètement renseignaient l'Union soviétique, Edith Chapman, lui, n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il n'a pas fréquenté les public schools, il n'a pas étudié à Cambridge. Edward Arnold Chapman est un enfant du peuple, né en 1914 dans le nord-est de l'Angleterre. Peu de temps avant sa mort, interviewé pour un documentaire de Ben McIntyre, Double Agent, The Edith Chapman Story, notre espion évoquera ses débuts chaotiques dans la vie. Je suis né dans les taudis de la côte de la mer du Nord. Mon père buvait beaucoup. J'ai décidé de sortir de tout ça complètement. À 17 ans, je me suis engagé dans la garde. Les Coldstream Guards, ce fier régiment en uniforme rouge et bonnet à poils d'ours qui monte la garde à la Tour de Londres. Mais Eddie, paresseux et rebelle, ne supporte pas de se mettre au garde-à-vous et d'obéir. Ses patrons du MI5 plus tard d'ailleurs s'en mordront les doigts. Et à peine obtient-il une permission que le jeune homme se volatilise, attiré par les jolies filles et les boîtes de nuit de Soho, le quartier chaud de la capitale anglaise. L'armée arrête le déserteur, le met un mois aux corvées de patates avant de le jeter dehors avec 3 livres sterling en poche. Que fait alors Eddie ? Bien évidemment, il court à Soho. Le Soho des années 30, c'est un peu à Londres l'équivalent du Pigalle parisien, le quartier qui concentre cabarets, bars, casinos, théâtres et bordels. C'est là, au milieu des artistes du spectacle, des prostituées, mais aussi des souteneurs et des escrocs en tout genre, qu'Edith Chapman, heureux comme un poisson dans l'eau, débute sa nouvelle vie. Grand, baraqué, beau gosse et séducteur, les femmes tombent comme des mouches, ce débrouillard travaille comme barman, figurant de cinéma, boxeur ou danseur de salon. Mais cela ne lui suffit pas. Edith Chapman aime l'argent et le risque. Il s'initie donc au métier autrement plus excitant et lucratif d'arnaqueur et de cambrioleur. Vol, chèques falsifiés, chantage sur des femmes mariées. Des activités pas très jolies qui le conduisent régulièrement en prison. C'est là qu'il rencontre les amis avec lesquels il va former un gang de cambrioleurs, le fameux Jelly Gang, qui jusqu'à la fin des années 30 va faire la une des journaux et rendre folle la police anglaise. Leur arme secrète, la gélinite, un explosif gélatineux qui permet de venir à bout des plus imprenables coffres-forts. Ici la BBC. Voici nos dernières informations. La nuit dernière, un autre cambriolage spectaculaire a eu lieu. Le gang de la gélinite frappe encore. Nous tenons de source sûre que les explosifs proviendraient d'une formule secrète introduite depuis l'étranger. Multipliant les coups les plus audacieux, notre perceur de coffre-fort devient rapidement l'ennemi public numéro 1. En 1967, dans une interview à la télévision française, dans l'émission 5 colonnes à la une, Edith Chapman se vantera de ses exploits d'avant-guerre. Avant la guerre, il paraît que vous saviez très très bien ouvrir les coffres-forts. Si, hein? Très bien. Très bien. Très bien. J'avais fait sortir peut-être 45 en tous. 45 coffres-forts? Oui. En février 1939, alors qu'il est sur le point d'être arrêté, Edith Chapman, accompagnée de Betty, sa chérie du moment, prend in extremis un avion pour Jersey, espérant sur l'île anglo-normande échapper à la police. Mais à peine est-il sur l'île qu'il reprend ses activités criminelles et que la police locale est à ses trousses. Un jour, qu'Eddie et Betty déjeunent à l'élégant restaurant de la plage, ils en sont au dessert, un dessert typiquement anglais, un trifle aux fruits rouges, lorsque soudain, Eddie, apercevant des policiers, se lève et sous les yeux médusés de Betty, saute par la fenêtre qui était fermée. Une fuite fracassante qui, hélas, sur une île, ne le conduit pas loin. Le fringant Edith Chapman est arrêté et condamné à 2 ans de prison. Il s'évadera, sera rattrapé et condamné à 1 année supplémentaire. En septembre 1939, alors qu'Eddie croupit dans sa cellule de 3 mètres carrés, des événements surviennent qui, il l'ignore encore, vont bientôt bouleverser le cours de sa vie. À la radio, le 3 septembre, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, s'adresse solennellement à ses concitoyens. Ici Londres. Voici une annonce du Premier ministre. Je vous parle depuis le 10 Downing Street. Ce matin, l'ambassadeur britannique à Berlin a informé le gouvernement allemand que si à 11 heures, il n'avait pas décidé de retirer immédiatement ses troupes de Pologne, nos deux pays seraient en guerre. Je dois vous dire qu'aucune annonce n'a été faite dans ce sens. Par conséquent, notre pays est en guerre avec l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela semble bien lointain à Edith Chapman dans sa cellule. Il faut attendre fin juin 1940, alors que les troupes d'Hitler ont déjà envahi la France et presque toute l'Europe, pour qu'Edith Chapman entende les raids allemands bombarder les îles anglo-normandes. En occupant les îles britanniques de la Manche, Jersey et Guernesey, les troupes allemandes ont mis pied pour la première fois sur territoire anglais. Une occupation allemande très dure, où les habitants de Jersey vont souffrir des persécutions et de la faim. Dans sa prison, Chapman, lui-même très amaigri, s'interroge sur son avenir. Il le sait, si un jour il retourne en Angleterre, il devra encore purger 20 ans de prison. Mais se dit-il, et si la guerre et l'occupation allemande étaient une chance pour lui ? Opportuniste et tout sauf patriote, le prisonnier anglais échafaude un plan qui va changer son destin. En 1941, il propose ses services aux Allemands. Je vous demande pourtant et devant témoin de dire à vos services d'espionnage que j'ai à leur parler, et c'est aussi dans votre intérêt. Un Anglais comme moi peut leur être particulièrement utile en temps de guerre. Dans sa lettre, il expose sa haine de l'Angleterre, énumère les charges qui pèsent là-bas sur lui et vante, en les exagérant, ses talents dans les explosifs. Mais pendant des mois, Chapman n'obtient aucune réponse. Pire, une nuit, il est réveillé par la Gestapo et menotté et enchaîné, sans qu'il sache pourquoi, jeté dans un bateau vers la France occupée. Il est conduit près de Paris, dans une autre prison, autrement plus effrayante. Faites comme chez vous, l'anglais. Ça, c'est gentil. C'est le coin des étrangers. J'espère qu'on vous laissera vivre assez longtemps pour en profiter. Où est-on? À Romainville. On a une chance de se tirer? Non. On nous laisse pas le temps d'organiser une évasion ici. Au fort de Romainville, les Allemands enferment des résistants, des juifs, des communistes, des étrangers, tous ou presque destinés à être fusillés ou déportés. Mais en décembre 1941, alors qu'Edith Chapman croupit au pain et à l'eau pour indiscipline, il est soudain tiré du mitard. Car la lettre qu'il a écrite est arrivée entre-temps à Berlin. L'Abwehr, les services secrets de l'armée allemande, manquent alors cruellement d'agents capables d'espionner sur le sol britannique. Ce prisonnier anglais pourrait-il faire l'affaire? Ils m'ont interrogé. J'ai répondu à toutes leurs questions. Pourquoi je voulais les rejoindre? Que si les Anglais revenaient sur l'île, j'aurais 20 ans de prison en plus. C'est comme ça que je me suis libéré de la prison. Edith Chapman finit par convaincre les Allemands de sa bonne foi. Il n'aura aucun scrupule, dit-il, à espionner son pays pour eux. Mais à une condition, être bien payé. Là-dessus, notre espion sera toujours limpide. Soudain, à partir de 1942, la vie d'Edith Chapman change du tout au tout. Lui, qui depuis 3 ans moisit en prison, découvre avec délectation la vie de château à la Bretonnière. Une belle demeure près de Nantes, un bien spolié à son propriétaire juif, où l'Abwehr a créé un centre de formation à l'espionnage, placé sous les ordres d'un personnage singulier, Stefan von Gröning, un aristocrate allemand plus porté sur le bon vin que sur les éloges à Hitler, avec lequel Chapman entretiendra une amitié qui se prolongera après la guerre. Alors que dehors, les Allemands pillent, persécutent, raflent et tuent, à la Bretonnière, Chapman, lui, vit tel un coq en pâte, comme il n'a jamais vécu. Tous les matins, après un copieux petit déjeuner, Chapman, désormais agent Fritz, apprend tout ce qui doit faire de lui un espion d'élite de l'Abwehr. Transmission radio, sabotage, maniement des explosifs. Le meilleur endroit pour cacher le détonateur, c'est la jonction des deux rails. Dissimuler le fil avec un insecte, de la boue ou n'importe quoi. Utiliser des codes faciles, des phrases de la Bible ou d'un livre connu. Un agent ne doit jamais avoir sur lui d'équipement compromettant. Tout son matériel doit être fabriqué avec des produits communs. Transmettez 3X à la fin de chaque message. Autrement, nous comprendrons que vous avez été découvert. Chapman apprend également à sauter en parachute. Un jour, hélas, il atterrit la tête la première et se casse plusieurs dents. L'Abwehr, qui pour lui ne recule devant aucune dépense, lui offre des dents en or. Un cadeau de l'Allemagne nazie que Chapman gardera toute sa vie. Enfin, à l'été 1942, Stefan von Gröning, qui a toute confiance en son espion, estime qu'il est désormais opérationnel. Êtes-vous prêt à aller en Grande-Bretagne et attaquer un objectif pour nous? Je leur ai dit oui, pour de l'argent. Combien? How much? Chapman demande ni plus ni moins 150 000 Reichsmark. L'accord est conclu. Mais von Gröning ajoute que s'il trahit, Chapman sera exécuté. Compris? Chapman acquiesce et découvre enfin ce qu'on attend de lui. Il sera parachuté en Angleterre et devra mettre hors d'usage, au nord de Londres, l'usine de Havilland qui fabrique les bombardiers Mosquito. Voici les avions de combat les plus doués de leur génération. En un temps record, ils peuvent attaquer tous les territoires ennemis. Les Mosquito sont capables de pénétrer en profondeur dans les zones occupées et de mener une guerre sans merci avant de rentrer au pays après chaque mission. Les Mosquito, des avions extrêmement performants, dont on dira qu'ils ont permis aux Alliés de gagner la guerre. Construits en bois, capables de transporter 2000 kilos de bombes, de voler à une vitesse de 600 km/h et d'atteindre Berlin, ces Mosquito ont l'art de mettre en furie le commandant en chef de la Luftwaffe, Hermann Göring. Quand je vois un Mosquito, j'en deviens jaune de rage et vert d'envie. Les Anglais ont tout, ils ont les génies et nous, les abrutis. Une fois la guerre finie, je m'achèterai une radio anglaise. Au moins, j'aurai quelque chose qui a toujours fonctionné. Enfin arrive le grand jour. Le 15 décembre 1942, Chapman est conduit à l'aéroport du Bourget, où un avion l'attend sur le tarmac. Il vérifie le contenu de son sac à dos, un émetteur radio, une pelle pliante, un revolver, des détonateurs, du chocolat, des papiers d'identité britanniques, 1000 livres sterling en billets usagés, et enfin une capsule de cyanure à avaler, lui dit-on, en cas de pépin. Il est convenu que Chapman devra envoyer aux Allemands un message au plus tard 3 jours après son arrivée en Angleterre. Mais quel est à ce moment-là l'état d'esprit de cet Anglais qui s'apprête à retrouver son pays natal alors qu'il espionne pour l'Allemagne, l'ennemi juré de l'Angleterre? À quel moment et pour quelle raison a-t-il décidé de changer de camp? Poussé peut-être par la nostalgie de son pays, l'envie de retrouver sa fiancée, voire l'intuition qu'Hitler ne gagnera pas la guerre. Difficile de le savoir. Chapman dira plus tard que cela fait des mois déjà que, secrètement, il collecte des renseignements sur ses collègues de l'Abwehr en vue de les offrir un jour aux Anglais. Une chose est certaine, Chapman est conscient qu'il a très peu de chances de sortir vivant de cette aventure. Il est 11h du soir, ce 15 décembre 1942, quand Chapman dit au revoir à von Gröning et monte dans l'avion qui, quelques minutes plus tard, décolle dans la nuit en direction de l'Angleterre. Et à 2h15 du matin... Je dis simple. Vous êtes prêts? Allons-y! Go! Sept minutes plus tard, Chapman tombe dans un champ de céleri au milieu de nulle part. Mais il est en Angleterre. À partir de ce moment-là, l'agent Fritz, tout boueux, encore sonné par la descente, fait tout le contraire de ce que les Allemands attendent de lui. Il réussit à gagner une ferme, à réveiller les fermiers, qui, éberlués par cette apparition nocturne, lui offrent une tasse de thé et des toasts, et à sa demande, appelle la police. Arrivé au poste, Chapman refuse de décliner son identité, explique qu'il veut parler au service de renseignement, car il a des informations capitales à leur fournir. Au petit matin, 2 hommes en civil viennent le chercher en voiture pour le conduire à Londres. Je pensais qu'on allait m'emmener dans un endroit confortable où je pourrais dormir. Putain, j'étais de nouveau en cabane. Chapman subit également la séance photographique réservée aux criminels. De face, de profil, des photos qui montrent un jeune homme sale et épuisé. Eddie Chapman l'ignore, il vient d'atterrir au camp 020, un centre d'internement réservé aux espions étrangers capturés. Et il va subir 48 heures d'interrogatoire serré, cuisiné par un orfèvre en la matière, le colonel Robin Stevens, surnommé Tin Eye, œil de fer à cause de son monocle. Surtout, ce qu'Eddie Chapman ignore, et que par sécurité il va continuer longtemps d'ignorer, c'est que les Britanniques, bien avant son arrivée, savaient qu'un espion allemand, entraîné près de Nantes, nommé Fritz, sachant parler anglais, était sur le point d'être parachuté en Angleterre. Et cela, grâce au décryptage des messages de l'Abwehr. Depuis 2 ans, en effet, les renseignements britanniques savent décoder tous les messages radio allemands. C'est en décembre 1940, au centre de déchiffrement de Bletchley Park, un château perdu dans la campagne, que des analystes anglais et polonais ont réussi l'exploit de briser les codes des appareils Enigma ennemis. Connu sous le nom d'Ultra, le déchiffrement des codes allemands tout au long de la guerre se révélera essentiel à la victoire finale des Alliés. Pendant 48 heures, Tin Eye interroge Chapman, dans le but de lui soutirer le maximum de renseignements. Mais il n'a aucun mal à les obtenir. Chapman, qui s'est rendu spontanément aux Anglais, lui déballe tout. Son passé de gangster, ses condamnations, comment il a proposé ses services aux Allemands, comment à la Bretonnière il a été formé à l'espionnage, tout ce qu'il sait sur l'Abwehr. Et bien sûr, l'objet de sa mission en Angleterre. Tin Eye se rend vite compte que Chapman dit la vérité. Toutes ses déclarations corroborant les messages allemands interceptés. Et Tin Eye n'a aucun mal non plus à convaincre Chapman de devenir agent double. Il accepte, mais à 2 conditions. Que je puisse garder tout l'argent que j'ai gagné auprès des Allemands et que je sois gracié pour toutes mes condamnations passées. And they agreed to both. Edith Chapman, sous le nom de code Zigzag, est désormais un agent double travaillant pour l'Angleterre, ce qui ne l'empêche pas d'être encore enfermée dans le sinistre camp 020. Partagée entre son patriotisme même tardif et le souvenir de la vie facile à la Bretonnière avec son ami von Gröning, Chapman écrit alors une sorte de confession. Finalement, après un dur combat, la patrie a gagné la partie. Ne me demandez pas pourquoi. Si seulement il n'y avait pas cette saloperie de guerre. Espionner et trahir ses amis, cela n'a rien de glorieux, c'est plutôt dégoûtant. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est plutôt drôle de travailler pour deux gouvernements, quand l'un m'offre argent, succès, carrière, et l'autre, une cellule de prison. Mais il faut agir vite. Depuis deux jours déjà, les Allemands sont sans nouvelles de lui. Pour les rassurer, Chapman envoie à von Gröning un message l'informant qu'il est bien arrivé et qu'il s'attelle à sa mission. Sa mission, vous vous souvenez, faire exploser l'usine de Havilland qui fabrique les redoutables bombardiers Mosquito. Afin que l'Abwehr continue d'avoir confiance dans son agent, les Anglais vont monter une des opérations de mystification les plus invraisemblables de la Seconde Guerre mondiale, simuler le sabotage de l'usine de Havilland. Les services secrets britanniques, employant les grands moyens, font appel au talent d'un magicien, Jasper Maskelyne. I went to my doctor the other day, and I said, "Doctor, I don't feel very well." He said, "What's the matter with you?" Jasper Maskelyne, prestidigitateur professionnel comme son père et son grand-père, cheveux gominés, moustaches et baguettes magiques à la main. Ce personnage étonnant dirige depuis 1940 dans l'armée le très sérieux service du camouflage. Lui et ses hommes du Magic Gang imaginent et conçoivent toutes sortes de leurres, chars ou avions factices dans le but de tromper et d'intoxiquer l'ennemi. Concernant l'usine de Havilland, le MI5 demande à Maskelyne de faire en sorte que, vu d'avion, l'usine ne soit plus qu'un énorme cratère après une violente explosion. Avec l'aide d'une équipe de décorateurs de théâtre, Jasper Maskelyne fait fabriquer un immense voile de camouflage représentant un paysage de désolation qui sera étendu au-dessus de l'usine. Il fabrique également de faux transformateurs électriques en bois et papier mâché qui doivent donner l'illusion d'avoir été soufflés par l'explosion. Comme prévu, l'opération est déclenchée dans la nuit du 29 au 30 janvier 1943, une nuit sans nuages, où la lune n'apparaîtra pas avant 2h30. Laissant le temps aux équipes de déployer le voile de camouflage sur l'usine et de donner aux avions allemands, qui ne vont pas tarder à survoler le site, l'illusion d'une attaque parfaitement réussie. Tard dans la nuit, Chapman informe von Gröning par radio que la mission est accomplie. À la Bretonnière, on sabre le champagne pour fêter cette victoire. Enfin, l'Abwehr possède un espion digne de ce nom. Et la réponse ne tarde pas, Sergut Fritz. Le lendemain, pour en rajouter dans la mystification, le journal The Daily Express, à la demande du MI5, publie un article faisant état d'une violente explosion à l'usine de Havilland. Un fake news, mais pour la bonne cause. Maintenant que l'Abwehr considère Chapman comme un de ses meilleurs espions, le MI5 souhaite le renvoyer en France occupée. Mais Chapman a une autre idée. Une idée totalement folle. Je veux me rendre à Berlin et assassiner Hitler. Chapman se souvient que lors de leur soirée arrosée à la Bretonnière, von Gröning lui avait promis qu'en guise de récompense, il l'emmènerait un jour à Berlin assister au premier rang à un discours du Führer. Chapman en est sûr, von Gröning tiendra sa promesse. À ses supérieurs du MI5, interloqués par un tel projet, Chapman explique qu'il se sent parfaitement capable de commettre un tel attentat, qu'il est prêt à mourir pour être celui qui aura mis fin au Troisième Reich et à la Seconde Guerre mondiale. Mais le projet de Chapman d'assassiner Hitler, qui ne manque pas de panache, restera lettre morte. Pourquoi ? Peut-être les Anglais n'ont-ils pas eu confiance dans ce beau parleur, ex-gangster, au patriotisme de fraîche date. Chapman est donc finalement prié par le MI5 de retourner en Europe occupée au service de l'Abwehr, afin de collecter des renseignements sur les forces militaires allemandes. Sans broncher, Chapman accepte de repartir dans la gueule du loup. Le 15 mars 1943, dans le port de Liverpool, Eddie Chapman, sous un nom d'emprunt, embarque comme steward sur le City of Lancaster, un navire marchand anglais en partance pour Lisbonne. Le Portugal, pays neutre, étant alors le seul point d'entrée de l'Europe occupée. 3 jours plus tard, à peine est-il arrivé à Lisbonne, que Chapman se rend à l'ambassade d'Allemagne. Je m'appelle Fritz. Je suis agent secret et je souhaite parler aux responsables de l'Abwehr. Reconnu comme l'agent qui a brillamment fait exploser l'usine de Havilland en Angleterre, Chapman fait alors une proposition étonnante à l'Abwehr. Il suggère de faire sauter le City of Lancaster, le navire anglais sur lequel il vient d'arriver au Portugal. L'agent de l'Abwehr envoie immédiatement un message radio à ses supérieurs à Berlin, qui donnent leur accord, et fournit à Chapman l'explosif, un explosif d'un type nouveau, un gros morceau de charbon dans lequel est dissimulé un bâton de dynamite. Le plan est de placer le morceau de charbon dans la soute jusqu'au jour où, ni vu ni connu, il sera pelleté et jeté comme combustible dans la chaudière, provoquant en pleine mer l'explosion du navire. And I said, what about money? Et pour l'argent, combien voulez-vous? Je leur ai dit, pour ça, 20 000 livres sterling. Oui, d'accord, très bien. Mais ce que Chapman ignore, c'est que le message envoyé par l'Abwehr à Berlin a été intercepté par les Anglais. Quelle n'est alors la stupéfaction du MI5 d'apprendre que Chapman, leur espion, s'apprête à faire sauter un navire anglais? Zigzag est-il en train de trahir la Grande-Bretagne et de redevenir ce qu'il est peut-être vraiment au fond, un fidèle agent d'Hitler? Au MI5, en réunion de crise, on décide d'envoyer un agent à Lisbonne par le premier avion afin qu'il retrouve Chapman, l'interroge et, le cas échéant, le ramène en Angleterre pour y être jugé pour trahison, sans bien sûr lui révéler que les messages de l'Abwehr avaient été interceptés. À l'instant même où, à Londres, l'agent du MI5 s'apprête à monter dans l'avion pour le Portugal, Eddie Chapman, lui, dans le port de Lisbonne, monte à bord du City of Lancaster avec 2 lourds pavés de charbon dissimulés dans son sac à dos. Il pénètre dans le navire, mais au lieu, comme il l'a convenu avec l'Abwehr, de descendre vers la soute à charbon pour y déposer les explosifs, Chapman se dirige vers la cabine du commandant. Devant lui, il ouvre son sac et dépose sur la table les 2 bombes. Commandant, je viens de recevoir des Allemands l'ordre de faire sauter le City of Lancaster. Voici les explosifs. N'ayez pas peur, ils ne sont actifs qu'à très haute température. Le commandant, éberlué, prend avec précaution les morceaux de charbon et les range dans son coffre-fort. Et quelques heures plus tard, c'est avec soulagement aussi que l'agent du MI5, arrivé entre-temps à Lisbonne, apprend que Zigzag n'a pas trahi. Au contraire même, il a mis la main sur une arme nouvelle des Allemands. Mais que penseront les Allemands en découvrant que le City of Lancaster est indemne? Pour sauver la réputation de Fritz, le MI5 monte alors un scénario rocambolesque pour faire croire aux Allemands que l'attentat a été déjoué in extremis et par hasard. L'Abwehr n'aura donc rien à reprocher à Fritz. En avril 1943, Chapman, alias Fritz, est envoyé par l'Abwehr en Norvège. These are the first pictures from Namsos, the port on the west coast of Norway where the Allies landed in the attempt to capture Trondheim. La Norvège, qui depuis 3 ans subit une occupation allemande très dure. Chapman est à Oslo pour espionner, mais surtout, lui dit-on, pour prendre des vacances, en récompense de ses brillantes missions accomplies. De la main de von Gröning, Chapman reçoit enfin les 150 000 Reichsmark qu'il lui avait promis. Mais ce n'est pas tout. Von Gröning a une surprise pour Eddie Chapman. Une décoration. La croix de fer de 2e classe. Il est notoire de constater que c'est la première fois qu'un sujet britannique est l'objet d'une telle distinction. Scène d'une incroyable ironie. Notre espion anglais reçoit la Croix de Fer, la plus haute distinction de l'armée allemande. À Oslo, alors que les Norvégiens subissent l'occupation nazie, Chapman, lui, mène une vraie vie de pacha. Un soir qu'il boit un verre au Ritz, l'hôtel de luxe fréquenté par les nazis, Chapman fait la rencontre d'une jeune femme dont il va très vite tomber amoureux. Dagmar Lahlum, juchée sur des talons hauts, fumant une Craven A au bout d'un fume-cigarette en ivoire. Mais que fait cette jolie Norvégienne dans un lieu pareil? Est-elle, comme les appellent les Norvégiens, une pute à nazis? En tout cas, entre Eddie et Dagmar va se nouer pendant des mois une véritable idylle. Au point qu'un soir, alors que les deux amants naviguent sur le yacht offert par l'Abwehr, Chapman prend la main de Dagmar et lui révèle qu'il n'est pas allemand comme il lui a fait croire jusqu'à présent, mais qu'il est anglais, et même un espion anglais. Un aveu extrêmement risqué qui peut lui coûter la vie. Mais à cette révélation va en succéder une autre. Dagmar lui apprend qu'elle appartient à la résistance norvégienne. Désormais secrètement alliés, Dagmar et Eddie, tout en travaillant officiellement pour l'Abwehr, vont collecter pour la Grande-Bretagne des renseignements sur l'armée allemande en Norvège. Dépôts de munitions et de carburant, abris de sous-marins, bâtiments occupés par les nazis. Mais au printemps 1944, Eddie est envoyé par l'Abwehr à Berlin. Les adieux avec Dagmar sont déchirants. Il lui promet qu'il l'épousera après la guerre. En réalité, ils ne se reverront jamais. La guerre. Au printemps 1944, la guerre se présente mal pour Hitler. Les bombes anglaises et américaines pleuvent sur l'Allemagne. Et le 6 juin 1944, le débarquement allié pour libérer l'Europe occupée est déclenché en Normandie. Les armées alliées ont débarqué en Europe de l'Ouest. Le début d'une bataille décisive de l'histoire mondiale. This is D-Day. Mais Hitler, qui ne s'avoue pas vaincu, lance mi-juin une contre-attaque d'envergure contre l'Angleterre avec une arme secrète nouvelle d'une puissance inégalée, les fameux V1. Les bombes volantes tombent sur l'Angleterre sans interruption depuis le 16 juin. Elles sont loin de faire les ravages que la propagande allemande leur prête. Et l'arme secrète d'Hitler n'arrive pas à battre le courage des Anglais qui savent que ce sont eux toujours qui gagnent la dernière bataille. Des messages rassurants de la propagande alliée visant à intoxiquer l'ennemi, qui cache en fait une terrible réalité. Jusqu'à la fin de la guerre, les V1, puis les V2, qui frappent n'importe quand et à l'aveuglette, provoqueront la mort de plus de 6000 civils britanniques. Mais les Allemands n'en savent rien. N'ayant aucune idée de l'efficacité destructrice de leurs bombes volantes ni de la précision de leurs tirs, Berlin décide d'envoyer sur place un espion. Fritz, bien sûr. Le 27 juin 1944, peu avant minuit, Chapman, alias Fritz, s'envole vers l'Angleterre avec sa nouvelle mission, rendre compte de l'impact réel des V1. Ils m'ont donné un chronomètre. Ils m'ont dit, quand vous entendez une explosion à Londres, vous notez l'heure et, si possible, vous donnez une description des destructions. J'ai dit... D'accord, et je devais être payé 100 000 livres sterling. Bien évidemment, à peine Chapman a-t-il atterri en Angleterre avec son parachute qu'il se rend au poste de police le plus proche, comme 6 mois plus tôt. Mais l'accueil qu'il reçoit au MI5, où l'on est sans nouvelles de lui depuis des mois, est tout autre. Chapman, cette fois, est accueilli en véritable héros. Lui, dont les services secrets anglais s'étaient si longtemps méfiés et qu'il croyait mort, a prouvé son courage et vient à eux aujourd'hui avec des milliers de renseignements sur l'état des forces allemandes. Dès le 1er juillet 1944, Chapman, alias Fritz, envoie en Allemagne des informations sur l'impact des V1. Des informations fausses, bien sûr, qui amènent rapidement les Allemands à rectifier leurs tirs. Grâce à Chapman, les V1 seront dirigés plus au sud, vers des zones plus rurales, épargnant Londres et du même coup provoquant moins de victimes et de destructions. Pour le MI5, Chapman est un véritable héros. Mais curieusement, À peine est-il de retour à Londres que l'ex-perceur de coffre-fort retrouve ses anciens démons, ses copains de Soho et leurs coups tordus. Sa nouvelle spécialité, l'arnaque sur les paris aux courses de lévrier, si populaire outre-Manche. Chapman trouve le moyen de faire droguer le favori de la course et comme il a parié sur le second chien, il rafle la mise. Le MI5 n'apprécie pas, mais alors pas du tout. Et le 2 novembre 1944, Eddie Chapman, le plus grand agent double de la Seconde Guerre mondiale, mais qui en temps de paix décidément fait tâche, est viré des services secrets de sa gracieuse majesté. Qu'importe, Eddie Chapman est riche. Il roule en Rolls-Royce, partage sa vie entre ses yachts et ses châteaux. En 1967, dans l'interview qu'il donne à la télévision française, une interview accessible sur Internet, totalement surréaliste, on voit l'ex-gangster, ex-espion, devenu antiquaire, se donnant des airs respectables dans le salon de son château entre son sapin de Noël et sa jeune épouse qui tricote. Quand on dit que Chapman s'occupe d'antiquités, maintenant, les gens vous disent, mais enfin, voyons, c'est pas sérieux, c'est une couverture, ça, c'est... Oh. Moi, j'aime beaucoup la beauté. En réalité, Chapman sera impliqué plusieurs fois dans des affaires louches, mais il réussira toujours à échapper à la prison, sans doute grâce aux inestimables services qu'il a rendus à la cause des Alliés. Eddie Chapman, alias Fritz, alias Zigzag, meurt en 1997 à l'âge de 83 ans, avec un seul regret, celui de ne pas avoir assassiné Hitler. Eddie Chapman, voyou et agent double pour Sa Majesté, prise de son François Saint-Jour, mixage Benjamin Orgeret, réalisation Fabrice Lègle, assisté d'Emmanuel Fournier. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.